Vous êtes maintenant à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Bon lundi, bienvenue à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Je suis Sophie Laforêt et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 19h, avec, comme toujours, une diversité musicale assez surprenante, afin de plaire à tous. Et cette semaine à l'émission, nous entendrons entre autres diverses formations comme Bowerbirds, Onomatops, Sunset Rubdown, Stereo Total et plusieurs autres surprises, car comme à l'habitude, j'aime bien vous gâter et me gâter en même temps. Alors sans plus tarder, parce que cette semaine, on a une émission assez chargée avec plusieurs informations, on va débuter avec en force avec un bloc francophone de la France. Tout d'abord avec la formation Bikini Machine, qui est une formation que j'ai découverte cette semaine. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Thank you. c'était la formation Stéréo Total avec la pièce Illégale de leur album Carte postale de Montréal, qui est une compilation. Et bien sûr, Illégale, vous l'avez peut-être remarqué, qu'on connaît parce qu'elle est originalement chantée par Marjo, qui était dans le groupe Corbeau. Et c'est une très belle reprise. J'aime beaucoup leur accent, l'accent québécois de Madame Cactus. J'aime beaucoup quand elle dit « C'est toi qui me fait de l'effet ». En tout cas, j'aime beaucoup le « toi, toi ». C'est très beau. Et donc, cet album est sorti le 8 septembre dernier et ils étaient au Club Lampi pour faire le lancement de cet album-là qui est destiné, comme le mentionne le titre de l'album, au Québec. Sur cet album-là, il y a une compilation, donc, reprise de leur hit français. Et il y a aussi cette reprise-là et aussi celle de « L'arme de métal de soupir ». Je ne sais pas si vous vous rappelez du groupe des années 80 dans lequel chantait Normand Brathwaite. Eh bien, c'est cette pièce qui est excellente également. Et donc, ils étaient également au festival Envol et Macadam à Québec le 10 septembre dernier pour la soirée électro. Alors, c'était cette belle pièce. Et tout juste avant, on avait la formation française Bikini Machine dans leur quatrième album studio The Full Album avec la pièce « Où vont les cons ». Et vous avez peut-être également remarqué la présence vocale du chanteur de Mickey 3D. Donc, c'est une formation que je ne connaissais absolument pas, même s'ils en sont à leur quatrième album. Et donc, voilà, c'est un groupe où les morceaux varient entre le rock-pop des années 60 avec une petite touche rétro yé-yé. Et pour Mickey 3D, qu'on a entendu sur cette pièce, ils sortiront eux aussi un album le 21 septembre prochain du nom de La Grande Évasion. C'est ce qui complète ce court bloc francophone. Et on va se diriger du côté anglophone avec tout d'abord la nouvelle formation de Montréal, Onomatops, avec un album à venir. Donc, vous êtes à l'émission Chérie Micoutu avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. I've been fighting all along. I am no soldier. I was bending right and wrong. I am not wiser. I've been fighting all along. I am no soldier. I was bending right and wrong. I am not wiser. My sister, my brother, I'm La formation Sunset Rubdown avec la pièce The Taming of the Ants That Came Back to Life de leur album Random Spirit Lover, qui est leur troisième album studio. Et c'est une formation de Montréal dans laquelle le chanteur de Wolf Parade, ben, un des deux chanteurs de Wolf Parade, Spencer Krug, dirige cette formation. Parce qu'en fait, il y a deux formations qui émergent de Wolf Parade, soit celle-ci et l'autre qui est Handsome Fures, qui est dirigée par Dan Burecker, qui est également un chanteur de Wolf Parade. Et pour ce qui est de Sunset Rubdown, leur quatrième album du nom de Dragon Slayer est paru en mai dernier. Tout juste avant, on avait la formation française Phoenix, qui est active depuis maintenant 10 ans dans leur quatrième album, la pièce 1901. Et donc, c'est leur quatrième album studio qui est paru en mai dernier. Et ils étaient au La Tulipe de Montréal le 16 juin dernier également. Et ça, c'est un peu triste quand un album sort comme ça, là, quelques semaines avant leur passage à Montréal. C'est toujours plaisant d'avoir eu le temps de se familiariser avec un album avant d'aller voir un groupe en spectacle. Et avant, tout juste avant, on avait la jeune formation montréalaise Onomatops avec la pièce « Somewhat Fatigued » d'un album qui est à venir puisqu'il s'agit d'un démo. Et concernant cette formation, c'est un trio montréalais d'indie pop électro-acoustique où il y a plutôt beaucoup d'espace qui est laissé à l'électronique dans leurs pièces. Pour l'instant, il y en a quatre que j'ai pu entendre. Et ce trio est composé de Émilie Seyri, Manu Alberola et Simon Grenier-Poirier. La formation va se compléter sous peu. Et je vous invite à consulter leur groupe Facebook pour rester à l'affût de leurs dates de spectacle qui viendront, j'en suis sûre, très bientôt. Donc, ils ont un groupe Facebook, un groupe Twitter ainsi que leur MySpace. Donc, je vais vous épeler Onomatops. Il s'agit du O-N-O-M-A-T-O-P-S. Donc, vous pouvez seulement aussi entrer le nom de la formation dans Google et vous trouverez leur site assurément. Alors, c'est ce qui complète ce bloc anglophone. On va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, nous aurons droit à un bloc électro-francophone. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter le profil MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/cestfouchérie, pour avoir un lien direct vers les artistes qui ont joué, connaître la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir ou lors d'émissions antérieures. Vous avez également l'opportunité de télécharger les balado-diffusion des émissions antérieures également. Et vous pouvez aussi joindre le groupe Facebook si vous voulez savoir à l'avance les groupes qui joueront aux émissions à venir. Donc, on se quitte le temps d'une courte pause et au retour, on aura droit à ce bloc électro-francophone. Vous êtes à l'émission Chérie, m'écoutes-tu sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Vous écoutez Cifou La formation Automélodie avec la pièce Schéma corporel dans leur mini-album Automélodie fait ses courses qui est paru le 4 avril dernier. Et ils étaient justement au Green Room cette fin de semaine, le 12 septembre. Et si vous avez envie, ils sont à New York le 7 octobre prochain. Ça pourrait être faire partie de votre voyage à New York. Et vous pouvez consulter leur profil MySpace si vous voulez savoir exactement où c'est. Je n'ai pas noté l'endroit exact. Je ne connais pas très bien New York. Pas à ce point. Et donc, Automélodie, c'est le projet de Xavier Paradis qui était qui était chanteur également de la formation Echo Kitty, qu'on a pu entendre notamment sur la trame sonore du film L'horloge biologique de Ricardo Trogi, ou Trogi, je n'en sais rien. Et je pensais pas en parler, mais en fait, je vais essayer de faire une critique cinéma un peu moins longue que la dernière que j'ai faite, la seule que j'ai faite à propos de « J'ai tué ma mère ». Mais je suis allée voir en fin de semaine 1981, le dernier film de Ricardo, justement. Et moi, j'ai bien aimé. En fait, j'avais pas eu des super bons commentaires, donc j'avais pas vraiment d'attente. Et ça a été au-delà de mes espérances. C'était un bon film, très divertissant. Je pense pas que ça va être un des films de l'année, mais quand même, moi, ça m'a bien divertie. Ça m'a rappelé plein de beaux souvenirs des années 80. Alors voilà, ça va être tout pour ma critique. Je vais vous laisser aller le voir. Mais quand même, de mon côté, j'ai trouvé que c'était un bon film. Et avant, Automélodie, on avait la formation montréalaise d'Electropop 011 de leur album Calcul des intégrales, qui est leur premier album, la pièce Longue distance. Donc, ils n'ont pas de date en vue de spectacle, mais vous pouvez encore là consulter leur MySpace pour connaître les dates à venir. Donc, c'est ce qui complète ce court bloc francophone électro. Et on va se diriger encore une fois du côté anglophone avec un bloc plutôt varié. On va commencer avec une nouvelle formation, Vivian Girls. Nouvelle formation parce que leur premier album est paru en 2008 et leur deuxième en 2009. Donc, elles ont vraiment fonctionné, comme on pourrait dire, récemment. Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Where do you run to? ». Vous êtes à l'émission « Chérie m'écoute-tu » jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Yeah. You're in our talons now, and we're never letting go. C'était la formation Bowerbirds avec la pièce In Our Talons de leur premier album Hymns for a Dark Horse qui est paru en 2007. Et ils ont récemment sorti un deuxième album du nom de Upper Air qui est paru en juillet dernier et c'est une formation américaine de folk pop comme vous avez pu l'entendre. Tout juste avant, nous avions la formation suédoise de twee pop The Concretes, qui est une formation active depuis 1995. La pièce qu'on a entendue, c'est Chosen One, tirée de leur deuxième album In Color, paru en 2006. Et sur cette pièce, la voix principale est celle de Victoria Bergsman, qu'on a entendue la semaine dernière avec son nouveau projet solo Taken by Trees. Et maintenant, elle a été remplacée dans The Concretes, c'est dur à prononcer, par Maria Eriksson, qui était une des trois membres fondatrices de la formation, puisqu'elles ont commencé à trois membres féminins. Et maintenant, The Concretes, qui comporte huit membres. Et ils vont sortir un album en 2009 prochainement, un quatrième album, mais le titre n'est toujours pas annoncé. C'est un très grand mystère. Donc ça, c'est à surveiller cette année. Et au début du bloc, nous avions le trio new-yorkais féminin Vivian Girls de leur premier album paru en mai 2008, la pièce Where Do You Run To? Et elles ont sorti un deuxième album, Everything Goes Wrong, qui est paru en fait mardi dernier sous l'étiquette In The Red. Et j'aime bien cette formation, ça fait pas longtemps que je les connais, j'ai découvert ça ce mois-ci. Et ça rappelle plusieurs formations des années 80-70 comme The Slits ou The Go-Go's et autres membres, autres bands féminins de ces années-là qui faisaient dans le lo-fi punk là, avec un petit... en fait, le lo-fi qui peut être cerné par les voix feutrées. Là, on dirait un peu que le son est fait comme un vieux tape cassette. Donc, c'est ça me rappelle ces formations. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez retourner aux sources du rock pour voir d'où vient cette influence, donc, de Slits ou de Go-Go's, si vous avez apprécié les Vivian Girls. Et l'émission tire à sa fin, et oui, plus que 10 minutes. Je vous remercie d'avoir été à l'émission de Chérie M'écoute-tu en ce 14 septembre 2009. Et comme à l'habitude, lundi prochain, de 18h à 19h, je serai là. Comme toujours, avec de la musique variée et diversifiée et plusieurs nouveautés, parce que qui dit rentrée musicale également. Il y a vraiment beaucoup de trucs nouveau à se mettre dans les oreilles. Et tout de suite après moi, à 19h, il y aura l'émission Le Voyage insolite qui revient en onde pour la saison 2009-2010 avec Frédéric Durand qui vous propose de la musique insolite, comme le titre le dit. Donc, culture rock, de la musique rock plutôt underground. Et je vais vous laisser avant de terminer avec deux pièces, soit une pièce de Malajube de leur dernier album Labyrinthe, on va entendre Casablanca, et à la toute fin, on va entendre la pièce Caméra vidéo des trois accords de leur album apparaître en octobre prochain, le 13 octobre prochain, l'album qui va s'intituler Dans mon corps. Et là, je dois dire que je ne suis pas du tout fan des trois accords, mais là, attention, la pièce qu'on va entendre ne ressemble pas du tout à Hawaiian. Je vous rassure ou je vous déçois selon si vous appréciez les trois accords pour ce qu'ils faisaient avant ou non. Et la pièce qu'on va entendre me fait beaucoup penser à la formation montréalaise Chocolat. Pour ceux qui ont entendu avec leur album Piano élégant, ça a quelque chose de très crooner, très pop. En tout cas, vous allez voir, c'est rafraîchissant. Et à chaque fois que j'entends cette chanson-là, je ne peux m'empêcher de monter le volume. Je l'avoue. Alors, tout de suite, on entend la pièce Casablanca de Malajube et ensuite les trois accords. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter l'émission, ou plutôt le profil MySpace de l'émission, au www.myspace.com/cfouchérie pour avoir la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir ou lors d'émissions antérieures, avoir accès au balado de diffusion et avoir un lien vers les MySpace respectifs des artistes qui ont joué à l'émission de ce soir. Alors, c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et on se retrouve lundi prochain à 18h. tout seul, je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux.